épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamazo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je suis au téléphone avec Steven. Steven, bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, eh bien, ça va très bien, merci, et vous ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Steven Audier et je suis actuellement chargé de développement des actions associatives pour l'association APF France Handicap dans la délégation des Vosges à Épinal. Depuis quand est-ce que vous faites partie de l'association ? Alors, ça fait 3 ans. Quel est votre rôle au sein de l'association ? Alors, en tant que chargé de développement en délégation, mon rôle, on va dire, qui peut être divisé en 3 axes. Il y a le maintien et le développement du lien social pour les personnes en situation de handicap. Il y a la recherche également de fonds via des subventions ou des mécènes, des appels à projets, afin justement de développer l'aspect projet de l'association. Et il y a également le troisième pan de mon métier qui est plus axé sur les revendications politiques, la lutte politique ainsi que l'accès aux droits via une plateforme Handidroit. Et justement, qu'est-ce qui se passe au niveau pénal ? Vous faites quoi ? Alors du coup, nous on intervient auprès des instances en général, on est consulté justement pour des problèmes autour du droit du handicap, parce que les personnes en situation de handicap peuvent avoir des droits qui diffèrent selon leurs conditions. On va prendre un petit exemple pratique, par exemple, si vous vivez en copropriété, si vous voulez faire des aménagements dans des parties communes, à l'heure actuelle, il faut que ce soit validé par le comité de copropriété, sachant que ces mêmes travaux, s'ils sont destinés à une personne en situation de handicap, il faut juste informer, mais par contre, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de consultation, c'est accepté de droit. Alors voilà, c'est sur ce genre de petit cas, nous on intervient, parce que les gens ne sont pas informés sur ça, et on se retrouve avec des personnes en situation de handicap qui se retrouvent confrontées à des refus pour des travaux, alors que légalement, le refus ne peut pas être prononcé puisque c'est accepté de droit. Ça va être sur ce genre de choses. Et après, tout ce qui va être démarche autour des droits de l'AH, du coup, la déconjugalisation, les droits de l'accès à l'emploi, entre autres. Est-ce que vous travaillez aussi avec la MDPH ou pas ? Alors on travaille avec, effectivement, alors je sais pas si c'est le terme exact, en tout cas au sein de la délégation, parce que APF France Handicap a énormément de structures. En délégation, on travaille un petit peu sur la justement le lorsqu'une personne vient et est un petit peu perdue dans les démarches auprès des MDPH, on l'aide à remplir son dossier, s'il y a des demandes de renouvellement à faire, ce genre de choses. Après, on a nos collègues qui sont plus axés sur le médico-social, qui travaillent en établissement, ou des services comme le SAVS, qui est un service d'accompagnement à la vie sociale. Eux, ils travaillent directement avec le personnel de la MDPH, effectivement. Nous, on est plus là, en gros, pour aider les usagers et adhérents de l'association à accéder à leur démarche et faire leur démarche auprès de la MDPH. Il y a beaucoup d'administratifs, non ? Alors, il y a beaucoup d'administratifs. Alors, c'est là où c'est assez intéressant, parce que officiellement, c'est un poste très administratif. Après, la réalité du terrain est tout autre, sachant qu'on est vraiment, entre guillemets, multifonction, c'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup de temps sur des déclarations MDPH, sur des demandes sur la plateforme Handidroit pour des questions de tutelle, de curatelle, ce genre de choses. Et en même temps, on peut aussi être amené à passer l'après-midi avec des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils n'arrivent pas à connecter une tablette. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais globalement, c'est assez administratif, ouais. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Alors, on travaille en équipe, globalement dans une délégation. Sur Épinal, on est 2 chargés de développement. On a également une assistante territoriale et un directeur territorial. Quelles sont les différentes tâches qui vous sont attribuées ? Alors, c'est vraiment assez vaste. Donc, on peut avoir des tâches de représentation, on va dire. Donc, c'est faire partie de comités de pilotage ou de commissions autour de l'accessibilité, ce genre de choses. Ça peut être, et ça c'est une des grosses parties du travail, des recherches de financement pour des actions, des réponses à appels à projets, et également un accompagnement des personnes dans des démarches, encore une fois, administratives ou juridiques, via un service juridique propre à l'association. Et dans d'autres occasions, ça peut être de l'accompagnement collectif de personnes sur des événements donnés. En tout cas, aider, par exemple, on a en ce moment un groupe de jeunes qui est accompagné par une structure APF qui aimerait se rendre au JO 2024. Donc nous, on les accompagne, on les aide à monter ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs? Oui, alors ils sont extrêmement divers et variés, donc on peut du coup citer la MDPH, mais on peut être en lien aussi avec la TV, donc l'Association tutélaire des Vosges. Ça peut être aussi d'autres associations afin de tisser des liens et d'offrir un maximum de réponses aux demandes de nos adhérents. Encore une fois, elles peuvent être d'ordre juridique, mais elles peuvent être aussi d'ordre, je parlais de lien social, d'ordre de loisirs. L'accès aux loisirs, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, donc ça peut être des associations sportives. Il y a le centre équestre d'Épinal, le tiers-lieu ailleurs à Épinal, dans lequel on siège au conseil d'administration. Voilà, non, globalement, c'est le tissu associatif local, plus les instances, la ville, bien entendu, la ville d'Épinal, mais également la ville de Saint-Dié, la ville de Remiremont. Voilà, on est un petit peu sur tous ces champs d'action, donc on a des partenaires aussi variés que les actions qu'on mène. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées type? Alors oui et non. Disons qu'en fait justement on a, alors pour ma part je trouve que c'est une chance, on n'a pas de, à proprement parler, nos journées sont rythmées par on va dire l'urgence dans la journée, c'est-à-dire qu'on va arriver au bureau, il suffit qu'on ait un message d'une personne qui va dire oui, je rencontre un problème, par exemple, je suis devant chez moi, je suis en fauteuil, il a neigé, je ne peux pas sortir de chez moi, j'ai un rendez-vous chez le kiné, qu'est-ce que je peux faire? Donc nous, on déploie du personnel sur place, donc du personnel bénévole, ou s'il y a salarié, mais pour essayer d'arranger la chose. Entre-temps, on a l'appel d'un tuteur qui nous dit j'accompagne telle personne qui est dans votre association. Elle m'a demandé de lui faire un virement parce qu'apparemment il y a une action qui est menée, il y a une participation financière. Ensuite, le directeur va nous dire il y a un appel à projet de telle fondation sur un projet numérique. On en a un en ce moment, ce serait bien d'y répondre. Voilà, c'est assez vaste en fait. On n'a vraiment pas de journée. En fait, quand on arrive au bureau, on ne sait pas comment va se passer la journée. C'est bien, comme ça, Et il c'est n'y a pas plutôt de bien. monotonie, en fait. Voilà, alors il y a des gens qui préfèrent avoir les repères, nous on n'a absolument pas de repères, c'est-à-dire qu'on ne sortira pas de notre champ d'action, bien entendu, mais ça peut être une journée où on va avoir du monde dans le bureau qui vient, alors des fois juste nous saluer, qui ont besoin de parler, donc ça c'est le côté lien social et compagnie, mais ça peut être aussi des journées où on va la passer au téléphone et devant nos mails toute la journée, c'est assez aléatoire. Vous faites partie de la délégation des Vosges, est-ce qu'il en existe d'autres dans le Grand Est ou pas? Alors oui, dans le Grand Est. Alors on est rattaché en fait par territoire. Donc globalement, c'est deux délégations entre guillemets en binôme. Nous, on est sur le territoire Lorraine Sud, donc on a un directeur commun avec le 54. Donc il y a une délégation à Pierre-France Handicap à Nancy également, qui est entre guillemets jumelée avec nous, c'est-à-dire qu'on bosse sur le même territoire. Donc on peut avoir des actions communes. Ensuite, dans le Grand Est, il y a aussi du coup Moselle et Meuse, donc territoire Lorraine Nord, qui est rattaché. On a nos collègues d'Alsace également. Est-ce que vous vous réunissez parfois? Oui, alors dans le cadre soit de gros événements ou de formations, par exemple, ça peut être des formations sur du nouveau matériel. Alors on a du matériel de sensibilisation, par exemple, en entreprise, sous forme d'un escape game. Donc c'est un matériel assez énorme, hein, qui est vraiment, c'est vraiment une structure gonflable et compagnie. On s'est réunis il y a quelques temps justement pour être formés sur ce matériel, parce qu'on est amené à faire une sensibilisation avec le territoire Grand Est et même un peu plus. Ça peut être lors de congrès, lors de conseils d'administration, voilà, ce genre de choses. Il se situe où le siège de l'association? Alors à Paris. Alors j'ai pas l'adresse exacte en tête parce qu'on n'y va jamais, mais le siège est à Paris. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec eux ou pas? Alors moi j'en ai. Alors voilà, moi je suis aussi axé sur l'aspect communication sur le territoire. Donc moi je suis en lien, parce que je suis parti d'un COPIL avec le service com national. Donc moi mon lien principal avec le national, ça va être avec les chargés de communication ou les community managers. Alors nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Die Antwoord, j'ai un accent anglais, Die Antwoord, oui. Die Antwoord avec Babies on Fire, et nous parlerons ensuite de l'association APF France Handicap, donc à tout de suite sur Radio Gémozo. Boom. Nous sommes de retour avec Steven pour vous parler de l'association APF France Handicap. Alors, depuis quand elle existe, l'association ? Alors, l'association va fêter en 2023, justement, c'est une grande année, c'est 90 ans. Déjà ? Oui. Ah oui. Oui, oui. Elle a été créée entre les deux guerres mondiales, les deux premières, j'espère qu'il n'y en aura que deux. Mais voilà, donc il y a 90 ans. Qui l'a créée, l'association ? Alors, c'est quatre personnes. Donc il y a Monsieur Tranois, j'ai plus les noms en tête. Et donc c'était deux jeunes hommes et deux jeunes filles en fait qui étaient atteints de la poliomyélite. Et donc qui se sont du coup un petit peu révoltés sur le fait que les personnes à l'époque en situation de handicap n'avaient pas de structure adaptée, que la société n'était pas adaptée et que du coup on ne leur permettait pas de vivre leur jeunesse comme quiconque peut le faire. Et donc ça c'était un petit peu l'impulsion, donc c'était vraiment quatre jeunes hommes issus d'une fac qui étaient assez assez investis dans la vie de la société. C'est un peu comme Coluche avec les Restos du Cœur, finalement. Ça ressemble énormément, effectivement. J'ai vu via votre site internet que dans le Grand Est, il y a 43 établissements médico-sociaux pour 2792 places. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors dans ces établissements médico-sociaux, en fait, on en retrouve vraiment de plusieurs sortes. Je vais un petit peu cibler sur les Vosges pour donner, parce qu'on a pas mal, en fait, on a pas mal de diversité sur le territoire vosgien dans nos structures. On a effectivement un ESAT, par exemple, sur Épinal. Du coup, qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler. Alors, c'est un petit peu compliqué et on espère que la loi va évoluer parce que les personnes qui travaillent en ESAT sont considérées comme des usagers et pas comme des employés. Donc ça nous embête un petit peu parce qu'elles fournissent vraiment, elles ont leur journée de travail, des horaires de travail, des vacances. Enfin, c'est vraiment les mêmes conditions et le même travail, mais avec un statut un petit peu différent. Mais en tout cas, on a les ESAT, on a une entreprise adaptée également à Dinosé. Nous avons des foyers d'accueil médicalisés des femmes qui sont en fait des lieux de vie pour des personnes en situation de handicap, donc avec bah, du coup tout le personnel médical sur place. Et donc c'est vraiment un principe de chambre, de grande chambre. Hein. Moi je m'y suis rendu, ça ressemble à un petit studio. Hein. Donc voilà, donc pour les personnes au quotidien, on a des MAS avec des accueils de jour. Donc c'est des personnes en situation de handicap ou polyhandicap qui peuvent passer leur journée pour des prises en charge, du coup pour faire diverses activités. Alors ça permet aussi de faire bénéficier aux aidants familiaux de répit, mais ça permet aussi aux personnes en situation de handicap et polyhandicap, ben, du coup d'avoir un rythme de journée, de rencontrer du monde et puis ben, de développer des liens sociaux. On a les CAMS, alors je vais un peu fusionner les deux, même si c'est deux structures plus ou moins différentes, mais CAMS et CESAD, en fait, c'est le CAMS. Ça prend en charge les enfants très jeunes jusqu'à 6 ans en situation de handicap, donc c'est souvent du diagnostic dans les CAMS. Donc sur divers types de handicap, qu'ils soient moteurs, mental, psychique, sensoriel. Et on a aussi les CESAD qui là accompagnent plus sur l'aspect l'enfant de 7 à on va dire 18 ans, sur tout ce qui va être aspect scolaire, accompagnement des familles et de l'enfant sur l'aspect scolaire, sur les aménagements, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai potentiellement oublié dans les structures? Ouais, c'en est déjà pas mal, je crois. Grosso modo, oui, c'est ça. Et puis non, on a aussi des EAP qui, là, pour le coup, sont des centres d'accueil d'enfants polyhandicapés, donc avec des handicaps cumulés et très lourds, qui sont des lieux d'accueil qui peuvent être à la journée ou en continu, donc avec une formule d'internat en gros, avec pareil un personnel, des kinés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes sur place. Donc c'est pour des enfants mais qui sont scolarisés dans cet établissement, de ce fait, c'est une salle de classe. On en a un à Remiremont et pour les enfants, on va dire de 18 mois à 18 ans. Vous parliez justement des ESAT tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors les ESAT, en fait, ce sont des, pour prendre des termes que tout le monde peut visualiser, on va dire des entreprises qui proposent des services de sous-traitance. Donc ça peut être, on a un ESAT à Ludres qui est très axé sur l'impression, donc la découpe et l'impression, par exemple, de menus, de panneaux publicitaires, ce genre de choses. Sur Dinosé, on va être plus. Alors on a un petit pan qui est super intéressant à Dinosé, c'est de la reliure de livres. C'est vraiment fascinant, enfin j'y suis allé, c'est magnifique, enfin, c'est un travail extrêmement précis. Et puis ils ont aussi après du travail qui va être de. On a en ce moment un contrat avec une entreprise qui fabrique des volets, donc il y a des petites pièces à assembler pour mettre sur les volets. Voilà, c'est du travail un petit peu comme ça à la chaîne, et qui permet à des personnes avec un handicap de bah, du coup de qui mais qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire, de quand même pouvoir avoir une activité salariée. Enfin, salariés, c'est pas le terme, parce qu'ils sont considérés comme usagers, mais en tout cas une activité professionnelle rémunérée. Est-ce qu'il y a un pourcentage d'aide versée par l'État pour les salaires ou pas? Alors, sur les ESAT, j'aurais pas la réponse parce que c'est pas un établissement dans lequel moi je travaille, mais je présume que, en tout cas, par l'État, je sais qu'il y a une compensation faite par la MDPH. En tout cas, il y a un salaire qui est versé par l'ESAT et le reste du salaire est versé, enfin la compensation est versée après la MDPH. Et pour les autres structures, ça se passe comment? Alors pour les autres structures, pour l'entreprise adaptée, c'est un statut de salarié. Donc c'est les mêmes normes et conventions que n'importe quel emploi traditionnel. Et pour les autres structures, du coup là on n'est pas sur des structures de travail mais d'accueil, donc tout ce qui va être femmes, donc foyer d'accueil médicalisé masse, en fait le foyer d'accueil médicalisé, comme c'est un lieu de vie, le résident du coup paye un loyer, hein. Parce que du coup, il y a tout, il y a la prise en charge médicale, il y a l'hébergement et les repas, tout ça est pris en compte. Et puis après, sur les autres accueils de jour, en fait, tout dépend de la reconnaissance du taux de handicap de l'enfant ou de la personne, et puis la prise en charge qui est faite ou non par la Sécurité sociale et la MDPH. Combien de salariés et d'adhérents compte la délégation des Vosges ou du Grand Est? On est sur le territoire 8 salariés pour les délégations, mais on peut compter à peu près 300 adhérents, un peu plus de 300 adhérents, et on peut aussi compter sur une cinquantaine de bénévoles sur les deux territoires Meurthe-et-Moselle et Vosges, qui ont vraiment un rôle actif dans l'association et qui sont sans hiérarchie avec un salarié, c'est-à-dire qu'on les considère comme nos collègues parce qu'ils sont vraiment présents sur les actions et ils donnent vraiment de leur temps, de leur énergie et c'est vraiment un travail à part entière aussi le bénévolat. Et justement, ils font quoi les bénévoles? Alors, le fonctionnement peut varier aussi d'une délégation à l'autre. En tout cas, chez nous, quand une personne nous approche pour potentiellement faire du bénévolat, on essaye déjà de déterminer avec cette personne quel serait son champ d'action. Est-ce que ce serait accompagner des personnes sur une sortie au quotidien, maintenir du lien social? Est-ce que ce serait animer un atelier proposé comme on peut faire par exemple dans les structures des ateliers de cuisine, ce genre de choses? Ou bien ça peut être aussi une aide directement en délégation administrative. Par exemple, on a un courrier de revendication à faire parvenir à nos 300 adhérents. On est tout seul au bureau, c'est un peu long. Et puis on a d'autres tâches aussi, donc de mettre 300 documents sous pli. Les bénévoles peuvent aussi venir nous aider pour ça. Ça peut être aussi pour du transport. Lorsqu'il y a une action qui est mise en place, s'il n'y a pas de transport mis à disposition, s'il n'y a pas de vaisselle ou de taxi qui peut être mis en place, par exemple, nous, on n'a pas de système de transport en délégation, hein. Donc du coup, ça peut être des bénévoles qui vont véhiculer les adhérents pour pouvoir se rendre à l'action qui est menée avec un dédommagement des frais kilométriques par l'association, bien entendu. Comment est-ce qu'on peut devenir adhérent à l'association? Alors, pour devenir adhérent, c'est globalement assez simple, soit se rendre directement sur le site internet, ou bien passer en délégation, et puis on a des petits bulletins d'adhésion en fait. Donc l'adhésion, en fait, c'est des adhésions d'un an qui sont à hauteur de 25 euros pour l'année. Et avec cette adhésion, vous avez également un document qui peut être déclaré aux impôts, en fait, un reçu fiscal, parce que du coup, c'est non imposable, et enfin voilà. Est-ce que vous recrutez du personnel? Alors, on recrute du personnel, oui. Alors, surtout, j'ai envie de dire, dans les structures médico-sociales où il y a pas mal de turnover, parce que c'est un métier qui parfois peut être compliqué quand même de travailler au quotidien, parce qu'il y a des horaires qui sont en décalage avec la vie de famille, par exemple. Et puis, c'est un public en établissement médico-social qui n'est pas un public qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Donc, ça peut être compliqué aussi pour certaines personnes. Donc, il y a un turnover assez régulier. Après, on recrute parfois en délégation en cas de départ sur des postes de chargé de développement. On vient d'avoir une nouvelle assistante de territoire parce que la précédente est partie à la retraite. Donc voilà, ça c'est sur les délégations. Mais globalement, dans toute la France et tous les établissements APF France Handicap, il y a pas mal de recrutements régulièrement. Oui. Comment se passent les sélections pour le personnel, la sélection du personnel? Alors, officiellement, en délégation, je vais rester un peu sur mon poste parce qu'après, de toute façon, ça sera un petit peu similaire. Il y a un critère demandé, entre guillemets, d'expérience et ou de connaissance du secteur, ainsi qu'un niveau de diplôme. Donc, pour un poste de CD2A, à l'heure actuelle, ce qui est demandé, c'est un niveau ou avoir au moins un bac plus 3 et une connaissance du secteur associatif et ou du handicap et un plus. Après, sur notre territoire, on a un directeur qui favorise quand même la motivation et l'expérience, en fait, au diplôme, par exemple. Mais globalement, c'est ça. Et pour les établissements médico-sociaux, c'est encore plus, entre guillemets, cadré, parce que du coup, s'ils recrutent un éduc, il faut le diplôme d'éduc, et ainsi de suite. Est-ce que vous recevez parfois des candidatures spontanées? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Alors du coup, en règle générale, les candidatures spontanées sont... En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, la délégation APF France Handicap, c'est quelque part l'adresse qui ressort le plus ou le contact qui ressort le plus quand les gens cherchent quelque chose autour d'APF dans les Vosges, par exemple. Et ça arrive qu'on ait, par exemple, des candidatures spontanées pour des éduxpé ou des ergothérapeutes, sauf que nous, on n'est pas, on est une délégation et pas un établissement médico-social. Donc, dans ces cas-là, on les renvoie, on leur donne les contacts des établissements médico-sociaux. Et puis, il y a aussi une vision des gens qui parfois postulent en candidature spontanée sur les postes de chargé de développement, ça arrive beaucoup. Ils pensent que c'est plus un peu un poste d'aide à domicile ou d'aide de vie quelque part. Et du coup, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que des fois, les gens disent, ah ben non, c'est pas ce genre de poste que je recherchais. Est-ce que chaque nouveau salarié doit gérer un groupe de personnes atteintes de handicap ou pas? Alors, on est forcément amené à un moment ou un autre à gérer effectivement enfin une personne, deux personnes ou un petit groupe. Ça arrive forcément, même si ce n'est pas forcément nos missions de base, hein. Mais c'est pour ça qu'une connaissance du secteur, après on peut l'apprendre aussi, hein, sur le terrain, mais c'est vrai qu'une connaissance du secteur et des pathologies aussi un petit peu, c'est vite nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses à anticiper lorsqu'une personne vient vous voir selon sa pathologie. Il se peut qu'on ait besoin d'intervenir sur X, Y choses. Et les premières fois, c'est assez déroutant. Et puis, on n'est pas forcément formé parce que ce n'est pas, du coup, normalement notre métier. Mais on est forcément, quand on accueille une personne pour un rendez-vous administratif, par exemple, qui a un handicap assez lourd, eh ben, on doit l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc, on doit être aussi disponible pour certains aspects qui ne sont pas forcément ceux auxquels on aurait pensé au début. Est-ce que l'association n'accompagne que des ados ou est-ce qu'elle s'occupe aussi de personnes plus âgées? Alors non, il n'y a pas de critères d'âge. Du coup, ça va, comme je vous le disais, en gros de 18 mois à 80 ans, 90 ans, peu importe. J'ai vu sur le site internet de l'association qu'il y avait une rubrique participation des usagers. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, les usagers, ce sont les personnes, comme j'évoquais tout à l'heure, qui vont par exemple travailler en ESAT, parce qu'on a plusieurs termes. On a vraiment usagers, adhérents et résidents. Du coup, les usagers, ça va être les personnes qui travaillent en ESAT ou bien qui sont accompagnées par un service type SAVS, donc service d'aide à la vie sociale. Et du coup, cette participation, en fait, c'est une forme de consultation, c'est-à-dire que afin d'améliorer ce qui est proposé ou de créer de nouvelles choses, de nouveaux projets, ces usagers peuvent du coup prendre la parole et nous contacter pour remonter des problèmes, des dysfonctionnements, ou à l'inverse, dire qu'il y a des choses qui se passent très bien, et essayer de proposer potentiellement des axes d'amélioration ou des nouveaux projets. Alors j'ai vu également aussi qu'il y avait un magazine édité par l'association. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ce magazine s'appelle le magazine Faire Face. Alors il a été créé, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'en fait on a fait les vœux avec la présidente en visio hier, donc on a revu un petit historique de l'association. Il me semble qu'il a été créé en 1943, ce magazine, et depuis il est resté avec le même nom. En fait c'est un magazine qui est soit proposé, donc on peut s'abonner. Donc on peut s'abonner juste au magazine, ou on peut aussi adhérer à l'association avec un abonnement compris dedans pour ce magazine Faire Face, qu'on reçoit tous les 2 mois, et qui est un magazine ben, autour du handicap, mais pas que, avec des vrais sujets sociétaux qui peuvent être, par exemple, le droit et l'accès à la vie affective d'une personne en situation de handicap. Il y a aussi une partie qui va être axée sur le numérique, sur le matériel, les innovations, des nouveaux aménagements pour des fauteuils, des témoignages, des expos photos. Enfin, c'est vraiment un magazine qui tourne autour du monde du handicap, mais qui n'est pas exclusivement réservé aux personnes en situation de handicap pour l'apprécier, parce qu'il y a vraiment enfin, une foule de contenus. Ça peut être un contenu sur la mode, avec des vêtements adaptés qu'on peut mettre plus facilement selon certains types de handicap. Voilà, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de continuer de parler de l'association. On vous laisse avec Mrs. Green Apple et Delilah et on se retrouvera juste après sur le 107. Love by a meepo flower. 歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な話だが刺激不足上にダラダラ照らすは闇ほらの歩き慣れていた道はどこだ時はたまにじゃったが温もりに包まれたら炎が立つ散る手の方へ思い出すは優しいメロディやめているんだ夢は安泰な暮らしだが知識不足はにハラハラ食せる闇をすがにすがりついたまま朽ちてくんだここはゴーダーの中だが傷跡がひりつきただ水面が立つ光の方へ手を取るは新しいメモリー中は勝つ知る手の上遮るは堅苦しいセオリー永遠はないだとないだと言うやっぱ苦しいねと泣いてみる風船もいつかはしぼむが割れる僕らは命の泉僕にとっての宝物 baby raped by our very own father. freedom. Because of the system, no more abortions, and fuck all the children that need them. Dead men don't rape. Dead men don't rape. You kiss the ones offended when I say dead men don't rape. But where is your anger when I say women are women are women are dying? Women are dying. It's every day, my thoughts have been spiraling. How many rights will they take from the women, non-binary, trans people? Violence! Is it the answer? Maybe it isn't, they're scared. We'll discover the strength of our feminine power. The strength of our anger in numbers. We are the witches, they burn at the stake. Black, brown, indigenous women replaced with voices of only white women today, who don't know the struggles that these women face. But this generation is ready to change. We stand with our sisters of every race. We understand racism still has its place in oppressing so many young women today. So keep your politics out of my uterus. Nous sommes de retour avec Steven sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio, Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Steven, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Oui, bah c'est alors le la première, c'est un groupe d'électro-rap d'Afrique du Sud qui, je pense, est un courant musical, en tout cas une origine aussi, et puis un style qui est peu représenté et que j'aime beaucoup pour l'originalité. Ma deuxième chanson était une chanson en japonais d'un groupe de pop rock japonais que j'aime beaucoup parce que c'est un style musical aussi que j'aime beaucoup. Mmh. Et la dernière, je l'aime beaucoup parce que c'est une chanson alors qui, ça va faire bizarre de dire ça, mais on représente aussi beaucoup notre combat dans l'association. C'est une chanson très inclusive. Donc là, en l'occurrence, c'est une chanson assez revendicative contre le patriarcat. Et voilà, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi finalement, entre guillemets, une communauté, une minorité oppressée et pas assez représentée. Et voilà. Votre deuxième choix musical, ça ressemblait un peu à du rock des années 2000, je trouve. Ouais, c'est ça. Alors j'ai 37 ans, hein, le rap. Donc les années 2000, c'est un peu mon adolescence. Et j'écoutais beaucoup de styles un peu pop-punk californien, ce genre de choses. Donc voilà, je crois que c'est mon côté un peu nostalgique quand je vieillis. Et non, j'aime beaucoup, c'est une chanson assez récente. Et c'est un groupe qui a été choisi pour l'opening d'un animé japonais. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu pop-rock années 2000. C'est vrai. J'en écoute aussi parce que moi j'ai 34 ans. Ah, bon, on n'est pas si loin que ça. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça va. Vous avez une voix toute jeune, c'est pour ça. Je pensais que vous étiez beaucoup plus jeune. Bon, ben, ça va. Alors, on se comprend sur ce style musical. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui était un petit peu Green Day, Sum 41, voilà, c'était un petit peu mon truc. Et... Ouais, c'est indémodable, hein, même si des bah fois... Oui, bah, je trouve aussi. Mais alors, je crois que les générations d'avant nous disent la même chose avec Johnny Hallyday, mais je ne suis pas super d'accord. Donc, je ne sais pas si on commence vraiment à se faire vieux ou si c'est réellement indémodable. En tout cas, pour moi, ça l'est. On va revenir sur l'association APF France Handicap. Quelles sont les différentes actions de l'association ? Alors, sur le champ global, on va vraiment avoir alors un gros champ qui est la représentation des personnes en situation de handicap. Quand je dis c'est un gros champ, parce que c'est leur représentation, encore une fois, d'un point de vue juridique, mais également d'un point de vue sociétal et représentatif. On s'est beaucoup battu, on a obtenu gain de cause, donc ça c'est une grosse victoire qu'on a eue et qui nous a beaucoup fait plaisir. Alors quand je dis nous, on n'était pas les seuls acteurs à se battre pour ça, bien entendu, mais c'est sur la déconjugalisation de l'âge, par exemple. Ça a été un combat qu'on a mené vraiment sans relâche. Donc à l'heure actuelle, parce que ça passe, je crois que c'est en octobre 2023 que la déconjugalisation sera actée. En fait, à l'heure actuelle, lorsqu'une personne en situation de handicap est mariée avec une personne valide, par exemple, donc l'AH, c'est sa pension compensatoire. C'est-à-dire qu'on va verser une pension à cette personne parce qu'elle n'est pas physiquement ou mentalement en capacité de travailler. C'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est qu'elle ne peut pas, donc il y a une compensation financière pour qu'elle puisse vivre un minimum dignement. Et lorsqu'une personne est mariée à une personne valide qui travaille, sa pension, en fait, est calculée en fonction des revenus de sa compagne ou de son compagnon, ou de son mari ou de sa femme. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où une personne du couple gagne décemment sa vie, correctement sa vie, donc là, je peux atteindre zéro. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap devient totalement dépendante financièrement de son mari ou de sa femme. Ce qui mène à plusieurs problématiques déjà, d'un point de vue estime de soi, c'est juste pas correct. Cette forme de dépendance, sachant que le handicap provoque en règle générale pas mal de dépendance déjà par rapport aux autres. Et puis 36% des femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou morales. Et une personne qui va subir, une femme, je prends l'exemple proprement des femmes à l'heure actuelle, qui va subir des violences dans son couple, des violences conjugales, physiques ou psychologiques, et qui en plus est totalement dépendante financièrement de son mari ou de sa femme, n'a pas forcément la possibilité de quitter ce schéma, et du coup, c'est juste une réelle torture, une situation extrêmement dangereuse. Et je me place également du côté des valides. Un valide donc qui est marié, un ou une valide qui est marié avec une personne en situation de handicap, va aller travailler, va aussi être aidant au quotidien, hein, on le voit souvent ça, et du coup devra financièrement assumer la personne avec qui il est marié, ce qui n'est juste pas correct non plus. Deux valides ont chacun leur salaire. Après, s'ils veulent se le partager, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, mais en tout cas, il y a une notion de choix. Et là, avec ce calcul de l'âge par rapport aux revenus du conjoint ou de la conjointe, cette notion de choix n'existait plus. Et on a enfin obtenu le fait que ce soit totalement déconjugalisé et que l'âge ne soit plus calculé en fonction des revenus de la personne avec qui on est marié, mais uniquement sur la situation de la personne en situation de handicap. Ça a été un long combat, non, pour faire ça? Ça a été super long, ça a été super, super long. C'est passé, le texte a été proposé plusieurs fois, il a été refusé plusieurs fois. On a fait de grandes campagnes de communication. On a eu hashtag c'est la base, donc une campagne de com en disant que c'était juste la base de pouvoir vivre décemment avec ses propres revenus. On a eu marche attaque. Enfin, on a eu pas mal de campagnes de communication un petit peu virales, un petit peu entre guillemets agressives. On a mis en place des raids Twitter. On a interpellé les politiques encore plus lors des précédentes élections présidentielles. Enfin voilà, ça a été énorme, on a rencontré les députés, enfin, voilà, on a vraiment cherché du soutien et de l'appui au sein de la sphère politique pour pouvoir nous représenter encore mieux. Et nos élus se sont battus, enfin voilà, on a été tractés dans la rue, on a vraiment fait ça aussi un peu à l'ancienne hein, pour interpeller les gens. Et voilà, on a réussi, mais c'est pas que grâce à nous. Hein. Je tiens à le dire aussi, on n'est pas les seuls à s'être battus pour ça, mais en tout cas, nous, ça a été notre vraiment fer de lance ces deux dernières années, quoi. Je vis sur votre site internet qu'il y a une rubrique revendications avec différents publics ou thèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui, effectivement. D'accord. Alors ça reprend un petit peu ça. C'est-à-dire que quand on parle de public, par exemple, ça peut être les différents types de handicap. Mais notre association, en plus de représenter les personnes en situation de handicap, on représente aussi les familles, qui sont souvent les grands oubliés également. Parce qu'effectivement, la famille, si elle est valide, elle n'a pas forcément besoin d'un accès PMR, ce genre de choses. Par contre, avec un statut d'aidant, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, si vous décidez de devenir aidant familial, c'est-à-dire pour un parent avec un enfant en situation de handicap ou un compagnon ou une compagne, si le handicap est trop lourd mais qu'on ne veut pas que cette personne soit dans un foyer, c'est un choix hein, qui se respecte comme tout autre, on peut devenir aidant, c'est-à-dire qu'on entreprend des démarches pour dire à l'heure actuelle avec la charge que j'ai pour cette personne, je ne peux pas travailler ou en tout cas pas à temps plein, et en fait on peut avoir une compensation financière. Mais à l'heure actuelle, le maximum, c'est 500 euros. Et personne ne peut vivre avec 500 euros mensuels. Donc voilà, donc ça peut être des revendications d'une forme de notre public, qui n'est pas les personnes en situation de handicap, mais les aidants. Donc voilà, le public, ça peut être ça. Ça peut être d'autres associations avec qui on peut lier un partenariat pour venir en aide. Et les revendications, ça peut être des demandes. Ça peut être nous alerter sur un texte de loi qui est jugé discriminant, sur un souci d'accès à l'emploi, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez aider, par exemple, pour avoir des aides à domicile pour les personnes qui en ont besoin ou pas ? Alors, on peut nous aider dans les démarches pour accéder à des aides à domicile. Ça, on peut faire. Nous, on n'a pas de service d'aide à domicile. Par contre, on est en lien avec la MDPH, avec la DAVI et toutes les autres structures. Et on peut effectivement, si on observe une lenteur du traitement de l'information, ce genre de choses, passer par nos réseaux, par nos contacts, soit d'élus de l'association, soit d'élus locaux des collectivités, pour essayer d'accélérer les choses. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Nous, on ne peut pas mettre en place directement une aide à domicile parce qu'on n'a pas de service d'aide à domicile. Est-ce que l'association, elle fait des études et des recherches qui sont liées au handicap ou pas ? Alors, on en fait, à ma connaissance, j'émets des réserves sur la prochaine phrase, pas forcément dans la recherche médicale. Par contre, on en fait énormément. On a un pan de notre association qui s'appelle Tech Lab sur les améliorations au quotidien. C'est-à-dire que ça peut être sur des nouvelles technologies de domotique afin qu'une personne à mobilité réduite en fauteuil électrique, par exemple, puisse avoir accès directement via les commandes de son fauteuil à l'ouverture, la fermeture de ses volets, pareil pour les lumières, ce genre de choses. On a aussi créé, en partenariat avec d'autres entreprises, un robot Leica, qui est un robot sous forme de boule qui permet de stimuler les enfants atteints de troubles autistiques, par exemple. C'est un petit robot qui va vibrer, qui va avoir des couleurs différentes, qui peut chauffer également et qui permet de sociabiliser et de rentrer dans une forme d'apprentissage avec cette forme ludique. Il a cette petite forme de bulle pour représenter un petit peu la situation de l'enfant avec des troubles autistiques qui peut se sentir isolé aussi et puis incompris, parce que c'est quand même une réflexion qui est différente des valides, et du coup c'est impossible pour lui de pouvoir se projeter dans nos émotions, nos ressentis, nos réflexions, et c'est impossible pour nous aussi, très compliqué en tout cas. Donc voilà, c'est pour faire un petit peu ce lien. On a aussi des développements de contrôleurs dans le jeu vidéo, par exemple, pour rendre accessible au maximum le gaming, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on pense, c'est bon, il y a une rampe, c'est bien, c'est accessible, la personne peut rentrer chez elle, oui, effectivement, par contre, la personne a le droit d'avoir des loisirs, donc soit personne n'empêche de s'acheter une console, par contre, si la personne est tétraplégique, un gamepad en main, c'est pas possible. Et donc, du coup, on développe aussi des technologies dessus. Quels sont les différents handicaps que l'association prend en charge ? Alors, depuis peu, entre guillemets, ça se faisait depuis longtemps, mais c'est le nom de l'association qui a changé. En fait, depuis 4-5 ans maintenant, on s'appelle APF France Handicap. Avant, c'était APF, Association des Paralysés de France. Donc, c'était majoritairement, principalement du handicap moteur. On a gardé le APF, mais qui ne veut plus dire Association des Paralysés de France, c'est juste pour que les gens s'en rappellent. On s'appelle France Handicap, parce qu'à l'heure actuelle, soit nos structures ou nos délégations, on est en capacité et on accueille et on accompagne des personnes atteintes d'handicap moteur, psychique, mental et sensoriel. J'ai vu aussi via votre site que vous preniez en charge les personnes atteintes de la sclérose en plaques, je crois ? Exactement, oui. On a vraiment une branche, entre guillemets, spécialisée sur la SEP, effectivement, avec du coup une prise en charge, enfin spécialisée, parce qu'on a des connaissances supplémentaires, on va dire, sur la SEP. Et puis on a pas mal d'organisations autour, avec, on a ce qu'on appelle l'école de la SEP, à l'heure actuelle, et donc c'est gratuit, il suffit de contacter une délégation pour avoir les coordonnées, pour s'inscrire. C'est vraiment des webinaires, des web events autour de la SEP pour aider l'accompagnement des personnes qui viennent de se faire diagnostiquer, par exemple, dans les démarches, pour aider aussi les familles, ce genre de choses, oui. Quelle est l'actualité de la délégation Grand Est ou celle des Vosges ? Alors, l'actualité, à l'heure actuelle, eh bien, on prépare déjà le congrès de juin. Donc là, c'est du national, mais du coup, forcément, toutes les délégations y sont conviées parce qu'on s'apprête à fêter les 90 ans de l'association avec la refonte totale du site internet national. Et puis, un nouveau projet associatif qui va être... Toutes les délégations territoriales ont été consultées en 2022 sur la rédaction du nouveau projet associatif. Donc là, c'est vraiment le gros chantier, on va dire, de l'année. Sur la délégation, on va dire sur le Grand Est, on est déjà dans une démarche d'inclusion autour du gaming et du numérique. Ça va rester, nous, par rapport au public qu'on a et par rapport à l'étendue de notre territoire, ça va rester un petit peu notre cheval de bataille. Il y a encore trop de répercussions quant à la fracture numérique dans notre public. Et à l'heure actuelle, on s'équipe et on forme et nos bénévoles pour pouvoir après dispenser leurs connaissances, mais aussi nos adhérents aux démarches en ligne avec le zéro papier qui arrive. Enfin, c'est très compliqué. On a des personnes qui sont non seulement en situation de handicap, mais en plus qui sont âgées. Et pour eux, le numérique, c'est vraiment quelque chose de tellement abstrait, sauf qu'ils se retrouvent face à des démarches qu'ils ne peuvent faire qu'en ligne. Nous, on ne peut pas en plus accéder tout le temps, enfin, à leur demande, c'est-à-dire que si on a 300 personnes qui ont besoin de faire une démarche pour la CAF, on n'est pas assez pour tous les accueillir, enfin, c'est assez compliqué. Donc notre idée, c'est de pouvoir proposer une formation, entre guillemets, hein, un apprentissage sur ces administrations, sur ces sites. Donc ça sera vraiment encore cette année notre grosse actualité, et puis la sensibilisation. Quels sont les futurs projets de l'association ? Alors, dans les futurs projets, du coup, on a des projets interstructures qui se mettent en place. On renouvelé des partenariats avec les tiers-lieux, qui sont des lieux d'échange entre valides et personnes en situation de handicap et des lieux extrêmement inclusifs. Donc ça reste dans nos projets. On aimerait le développer un peu plus. On l'a commencé un peu doucement, mais on aimerait le développer un peu plus. Les gros projets, on a l'utilisation de la réalité virtuelle, soit pour simuler des actions, par exemple, sportives pour les personnes à mobilité réduite, pour ressentir les sensations en les verticalisant, soit aussi pour l'utiliser sous forme de sensibilisation en entreprise. Et on a aussi également en gros projet, ça c'est sur les Vosges, en partenariat avec la ville d'Épinal et le conseiller numérique de la ville d'Épinal, Fabien Rodriguez, on est en train de développer une compilation de jeux vidéo faite par et pour des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de faire quelque chose de fun et pas juste quelque chose pour dire il y a un jeu vidéo adapté. Et cette compilation devrait permettre de jouer à des personnes avec un panel de pathologies assez vaste. Dans notre groupe de travail, nous avons des personnes atteintes de handicap mental, atteintes d'handicap psychique, des personnes malvoyantes, malentendantes, des personnes épileptiques. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir se retrouver tous autour d'une partie fun de jeux vidéo, valide ou non, et avec tout type de handicap, en tout cas la majeure partie d'handicap qui soit couvert. Et cette compile devrait être présentée au Cyberia d'hiver à Épinal. Comment est-ce qu'on peut faire un don pour aider l'association ? Alors, pour faire un don à l'association, du coup, le plus simple, c'est soit de le faire via Internet, soit de contacter une délégation et de demander en fait une brochure de don, parce que du coup, il y a deux formes de don finalement. L'adhésion est déjà un don pour nous. Sachant que l'adhésion de 25 euros, alors 25 euros, ça paraît pas énorme, on est d'accord, hein, mais 25 euros plus 25 euros, déjà en fait, plus on aura d'adhérents, plus on aura de visibilité, et ces 25 euros sont réinjectés directement territorialement pour les actions. Donc voilà, soit contacter une délégation et demander à ce qu'on fasse parvenir un document pour le don, soit prendre une adhésion. Et parce qu'un don, ça peut être aussi un don de temps, nous rejoindre en tant que bénévole, ça c'est aussi un don qu'on apprécie énormément, parce que plus on a de bénévoles, plus on peut mettre des choses en place et plus on peut aider un grand nombre de personnes. Et justement, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ? Toujours. Tout le temps, oui. tout le temps. Alors, on recherche des bénévoles sur différents champs d'action, que ce soit animer un groupe loisir, pour que les personnes puissent se retrouver avec un coordinateur, mine de rien quand même, pour les démarches administratives, pour le lieu d'accueil, pour ce genre de choses, pour les transports, comme je l'expliquais hors antenne tout à l'heure, du coup, on n'a pas de transport à proprement parler, nous en fait, hein, on a un véhicule, mais qui permet de véhiculer une personne avec un fauteuil manuel. Si c'est un fauteuil électrique, c'est pas possible. Enfin voilà. Donc on recherche des personnes aussi qui seraient prêtes à venir participer avec nous aux actions, bien entendu, mais aussi pouvoir véhiculer les personnes avec un dédommagement, un remboursement des frais kilométriques. Et après, toute idée peut être bonne à prendre, hein, que ce soit des idées d'atelier, une personne qui dit moi j'aime la lecture ou la couture, j'aimerais faire quelque chose autour. Enfin voilà, toutes les formes de dons de temps sont les bienvenues. Comment est-ce qu'on peut contacter l'association ou la délégation du Grand Est ? Alors, moi je vais vous dire vraiment pour le territoire Lorraine Sud, pour les Vosges, vous pouvez nous contacter sur une adresse mail, alors je vais la dire doucement, c'est dd, donc 2d.88@apf.so.fr. Et le téléphone, c'est le 03 29 29 10 61. Et pour la Meurthe-et-Moselle, alors c'est la même adresse, mec 54, hein, c'est dd.54@apf.so.fr. Et le numéro de téléphone, c'est le 03 83 32 35 et 20. Est-ce qu'on peut retrouver l'association sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Alors du coup, alors je ne l'ai pas en tête par contre, on a un Instagram, mais je ne l'ai pas en tête. On peut nous retrouver sur Twitter, @apf-54, et sur Facebook, sous l'appellation APF8854. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association APF France Handicap ? Alors, j'aurais envie de dire encore 90 belles années devant nous, même si ça veut dire que d'ici 90 ans, notre combat sera toujours nécessaire et quelque part, on se bat pour pouvoir ne plus se battre plus tard. Mais en tout cas, juste qu'on puisse poursuivre nos combats, que nos revendications soient entendues et puis qu'on puisse aussi perdurer dans ce qui est assez important avec cette association, ce côté familial et ce lien social qui est assez caractéristique à APF France Handicap. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite, Steven ? Eh bien, je ne sais pas trop. Simplement peut-être de pouvoir m'épanouir globalement, pas que professionnellement, mais du coup dans ma vie. Et je pense que moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, qu'on puisse tous trouver sa place, quelle qu'elle soit, en étant nous-mêmes, sans avoir justement le besoin de se battre pour justifier qui on est et de pouvoir vivre simplement et heureux. C'est ce que je vous souhaite, Laura. Merci. Cette émission est maintenant terminée. Steven, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que nous parviendrons via cette émission à donner davantage de visibilité à l'association. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.